la disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition du savoir et la propagation de l'ignorance. En effet, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Parmi les signes de l'heure est que le savoir disparaisse et que l'ignorance s'installe. » Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Shaqiq qu'il a dit « Je me trouvais avec Abdallah et Abu Moussa qui dirent « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y aura avant la venue de l'heure des jours durant lesquels l'ignorance sera descendue et le savoir disparaîtra. » Selon une version rapportée de Muslim d'après Abu Hurayra radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Le temps se rapprochera, le savoir disparaîtra, les troubles apparaîtront, l'avarice viendra et le meurtre se multipliera. » Ibn Battal, rahimahullah, dit « Tout ce que comprend ce hadith comme signe, nous l'avons vu se produire de nos propres yeux. Certes, la science a diminué, l'ignorance est apparue, l'avarice a pénétré les cœurs, les troubles se sont généralisés et le meurtre s'est multiplié. » L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, poursuit en disant « Il apparaît que ce dont il a été témoin fut majoritaire bien que l'opposé existait. Le sens du hadith est que cela soit dominant en sorte que l'opposé ne soit que très rare. D'où l'indication exprimée par la disparition de la science après quoi il ne restera plus que l'ignorance absolue. Mais cela n'empêche guère l'existence d'un groupe de savants car ceux-ci seront dès lors couverts par tous les autres. » La disparition du savoir se fera par la disparition des savants. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu an, rapporte « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, Allah azawajal ne prendra pas la science en l'ôtant des serviteurs, mais il prendra la science en prenant les savants. Et quand il ne laissera plus aucun savant, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront questionnés et qui répondront sans aucune science, ils s'égareront et égareront. » An-Nawawi, rahimahullah, dit « Ce hadith montre que le sens de la disparition du savoir dans les hadiths précédents ne signifie pas qu'il disparaîtra des cœurs de ceux qui le connaissent, mais cela signifie que ceux qui le portent mourront et que les gens prendront des ignorants qui jugeront avec leur ignorance, ils s'égareront et égareront. » Le savoir désigne ici la connaissance du Coran et de la Sunna. C'est la science héritée des prophètes. Ainsi, les savants sont les héritiers des prophètes. Et avec leur disparition, le savoir disparaîtra, les traditions prophétiques mourront, les innovations apparaîtront et l'ignorance se propagera. Quant à la science profane, elle ne fait qu'augmenter et n'est nullement visée par les hadiths. La preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils seront questionnés et répondront sans aucune science, ils s'égareront et égareront. » L'égarement survient quand on est ignorant au sujet de la religion. Les savants véritables sont ceux qui appliquent leur savoir et qui oriente la communauté en lui indiquant le chemin de la vérité et de la guider. Aussi, la science sans pratique n'est point profitable. Elle sera plutôt un méfait pour son compagnon. Figure d'ailleurs dans une version d'Al-Bukhari, rahimahullah, et l'œuvre diminuera. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, après avoir cité un groupe de savants, dit « Et ceux-ci n'ont reçu que très peu de science. Quant à aujourd'hui, il ne reste du savoir, déjà pauvre que peu, auprès de peu de gens, et peu d'entre eux appliquent ce peu. Mais Allah nous suffit, il est le meilleur garant. » Si cela était du temps d'Al-Dhahabi, que peut-on dire de notre époque? Plus le temps s'éloigne de celui de la prophétie, plus la science diminue et l'ignorance augmente. Certes, les compagnons radiyallahu anhum étaient les plus savants de cette communauté, puis ceux qui leur ont succédé, ensuite ceux qui leur ont succédé. Et ceux-ci sont les meilleures générations, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Le savoir ne cessera de diminuer et l'ignorance d'augmenter jusqu'à ce que les gens ne connaissent plus les obligations de l'islam. Hudhayfa radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam disparaîtra de la même manière que disparaît la couleur du vêtement. » Jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'est le jeûne et la prière, ni le sacrifice, ni l'aumône. Le livre d'Allah Azawajal disparaîtra en une nuit. Il n'en restera sur terre plus aucun verset. Il restera des groupes de gens tels que le vieil homme et la vieille femme qui diront « Nous avons connu cette parole-ci de nos ancêtres qui disaient « Il n'y a de divinité qu'Allah » et nous la répétons. » Sila lui dit « Ahudhaifa, en quoi leur profitera « Il n'y a de divinité qu'Allah » alors qu'ils ne savent pas ce qu'est la prière ni le jeûne ni le sacrifice, ni l'aumône. Hudhayfa se détourna de lui, et ce dernier se répéta à trois reprises, mais à chaque fois, Hudhayfa se détournait. Cependant, il se tourna vers lui la troisième fois et dit « Ô Sila, elle les sauvera de l'enfer » à trois reprises. Ibn Mas'ud, le Coran vous sera ôté. Il disparaîtra de nuit et quittera les poitrines des hommes. Il n'en restera sur terre plus rien. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit « Il disparaîtra à la fin des temps des livres et des poitrines. Il n'en restera dans les poitrines plus aucune parole et dans les livres plus aucune lettre. » Pire que cela, le nom d'Allah ne sera plus évoqué sur terre comme cela est mentionné dans le hadith rapporté par Anas, radiyallahu anhu, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'on ne dise plus sur terre « Allah, Allah ». Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Il y a deux avis quant au sens de ce hadith. Le premier avis, cela signifie que nul ne réprouvera le blâmable ni ne réprimandera personne quand il le verra accomplir le blâmable. Cela est formulé par sa parole « Jusqu'à ce qu'on ne dise plus « Allah, Allah » comme nous l'avons vu dans le hadith de Abdullah ibn Omar. Il ne restera plus que de la racaille, ils n'ordonneront aucun bien et ne blâmeront aucun mal. Le second avis, jusqu'à ce qu'on n'évoque plus Allah Azawajal sur terre et qu'on n'y connaisse plus son nom. Cela se produira quand l'époque sera corrompue, que l'humanité connaîtra la perdition et que l'incroyance, la turpitude et la transgression abonderont. La multitude des miliciens et des partisans des oppresseurs. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte d'après Abu Umama radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura dans cette communauté à la fin des temps des hommes, ou dit-il, des hommes apparaîtront de cette communauté à la fin des temps, ayant avec eux des fouets ressemblant aux queues des vaches. Ils sortent en début de journée sous la colère d'Allah et sortent en fin de journée sous son courroux. » Selon une version d'At-Tabarani dans Al-Kabir, il y aura à la fin des temps des miliciens qui sortent en début de journée sous le courroux d'Allah et sortent en fin de journée sous la colère d'Allah. Fais donc attention à ne pas être de leur entourage. Cette catégorie de gens qui oppriment les musulmans et les font souffrir sans aucun droit a été menacée de l'enfer. L'imam muslim, rahimahullah, rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquels ils frappent les gens. » An-Nawawi, rahimahullah, dit « Ce hadith fait partie des miracles de la prophétie, car ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé s'est produit. Quant aux gens au fouet, ce sont les jeunes hommes aux ordres du chef de la milice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira radiyallahu anhu « Si ta vie se prolonge un certain temps, il est probable que tu vois des gens sortir en début de journée sous la colère d'Allah et sortir en fin de journée sous sa malédiction. Ils ont dans les mains une chose semblable aux queues des vaches. » Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura à votre tête des commandeurs qui seront pires que les Mazdéens. » La propagation de la fornication. Parmi les signes qui sont apparus, il y a la propagation de la fornication et sa profusion entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé que ce serait un signe de la fin des temps. Anas, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, et la fornication apparaîtra. » Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens connaîtront des années insidieuses, et lors desquelles se propagera la turpitude. » Pire que cela est de rendre licite la fornication. Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication et la soie. » Rapporté par Al-Bukhari. À la fin des temps, après la disparition des croyants, il ne restera que les pires personnes qui s'accoupleront à la façon des ânes, comme cela est relaté dans le hadith d'An-Nawas, radiyallahu anhu. Et il restera les pires hommes qui copuleront à la façon des ânes. Ce sont eux que leur surprendra. Rapporté par Muslim. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Et par celui qui détient mon âme en sa main, cette communauté ne périra que quand l'homme ira vers la femme et l'étendra sur le chemin. Le meilleur d'entre eux ce jour-là sera celui qui dira « Si au moins tu la cachais derrière ce mur. » Al-Qurtubi, rahimahullah, dit dans son livre Al-Mufhim, concernant le hadith précédent d'Anas, radiyallahu anhu, « Ce hadith souligne l'un des signes de la prophétie, car il informe d'événements qui se produiront et qui se sont produits, surtout en ces temps. Si cela était déjà à l'époque d'Al-Qurtubi, cela est encore plus apparent à notre époque, dû à la prééminence de l'ignorance et à la propagation de la corruption au sein des gens. La propagation de l'intérêt, riba. Parmi les signes figure l'apparition de l'intérêt, sa propagation parmi les gens et l'insouciance de consommer ce qui est illicite. Ibn Mas'ud radiyallahu an rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Avant la venue de l'heure, apparaîtra l'intérêt usuraire. » Abu Huraira radiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens connaîtront une époque durant laquelle la personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune. Est-ce de manière licite ou illicite ?» Ces hadiths s'appliquent à de nombreux musulmans à cette époque. Nous trouvons qu'ils ne cherchent nullement le licite dans les gains. Au contraire, ils rassemblent la fortune du licite et de l'illicite. Cela est majoritairement dû à l'introduction de l'intérêt dans les transactions entre les gens. Les boutiques de change qui ont recours à l'intérêt sont apparues et beaucoup de gens ont été touchés par cette calamité. L'imam al-Bukhari rahimahullah mentionne le hadith précédent d'Abu Huraira radiyallahu anhu dans le chapitre de la parole d'Allah « Ô les croyants !» Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, ce qui prouve sa compréhension de la religion, afin de montrer que tout capital multiplié démesurément par le biais de l'intérêt se produit en l'amplifiant lorsque les gens ne se soucient plus des moyens utilisés pour ramasser la fortune et ne différencient pas le licite de l'illicite. L'apparition des instruments de musique et le fait de les rendre licites. L'apparition des instruments de musique est l'un des petits signes. Sahl ibn Sa'd radiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura à la fin des temps engloutissement, pluie de pierres et transmutation. » On demanda « Quand cela sera-t-il, ô messager d'Allah ?» Et lui de dire sallallahu alayhi wa sallam « Quand les instruments de musique apparaîtront, ainsi que les jeunes chanteuses. » Ce signe est apparu en grande partie durant les siècles précédents. Mais cela est davantage apparent aujourd'hui. En effet, nous trouvons à notre époque que les instruments de musique se sont beaucoup propagés, ainsi que les chanteurs et les chanteuses. Pire que cela, beaucoup de gens ont rendu licites les instruments de musique. Ceux qui font cela ont été avertis contre l'engloutissement, la pluie de pierres et la transmutation, comme dans le hadith ainsi que ce qui est dans le Sahih al-Bukhari. Hichem ibn Ammar dit « Sadaqa ibn Khalid nous rapporte, il cite la chaîne de transmission jusqu'à Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y aura au sein de ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique, et des gens s'installeront près d'une haute montagne par où passe un berger avec son troupeau, et un pauvre viendra à eux pour un besoin. Ils lui diront « Reviens nous voir demain. » C'est alors qu'Allah les fera périr, ébranlera la montagne et transformera d'autres en singes et en porcs jusqu'au jour de la résurrection. » Rapporté par Al-Bukhari. Ibn Hazm, rahimahullah, prétend que ce hadith est discontinu, car il n'y a pas de continuité entre Al-Bukhari et Sadaqa ibn Khalid. Cette parole a été réfutée par l'érudit Ibn al-Qayyim, démontrant que ce que dit Ibn Hazm est faux pour six raisons. Al-Bukhari a rencontré Hichem ibn Ammar et a entendu de lui, et s'il rapporte en disant, selon un tel, cela est considéré à l'unanimité comme une continuité, car il y a eu rencontre et écoute. Lorsqu'il dit, Hichem dit. Il n'y a donc aucune différence entre cela et le fait qu'ils disent « selon Hichem ». Les transmetteurs dignes de confiance et sûrs rapportent cela d'après Hichem avec continuité. Al-Isma'ili rapporte dans son sahih « Al-Hassan m'a informé, Hichem ibn Ammar nous rapporte, avec sa chaîne de transmission et son texte. » Ce hadith est authentique, même sans tenir compte du hadith rapporté par Hichem. Cela est rapporté par Al-Isma'ili, selon Uthman ibn Abi Shayba, avec deux autres chaînes de transmission aboutissant à Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Même si Al-Bukhari n'avait pas rencontré Hichem et n'avait pas entendu de lui, le fait qu'il inclut le hadith dans son sahih et qu'il affirme prouve que cette version relatée selon Hichem est authentique pour lui. De plus, il ne cite aucun intermédiaire entre lui et Hichem, soit parce que ceux-ci sont connus, soit parce qu'ils sont nombreux. Il est donc connu et célèbre selon Hichem. Quand Al-Bukhari dit dans son sahih, un tel dit, cela signifie que pour lui, le hadith est authentique. Al-Bukhari cite ce hadith en le prenant comme argument et en l'incluant dans son sahih, à part entière, et non comme une simple citation. Le hadith est donc authentique sans le moindre doute. Ibn Salah, rahimahullah, dit « Il ne faut prêter aucune attention à l'érudit Abu Muhammad ibn Hazm, le littéraliste, quand il réfute ce que rapporte Al-Bukhari comme hadith d'après Abu Amir ou Abu Malik. » Il dit ensuite « Le hadith est authentique et sa continuité est connue, il respecte de plus la norme du Sahih d'Al-Bukhari rahimahullah, peut agir de la sorte, car ce hadith est connu auprès des gens dignes de confiance selon ce transmetteur qu'il suspend. Il se peut également qu'il agisse de la sorte parce qu'il a cité ce hadith à un autre endroit de son livre en ayant mentionné la chaîne de transmission avec continuité ou encore pour une autre raison qui ne peut être accompagnée du défaut de discontinuité et Allah est plus savant. J'ai certes tardé sur le sujet concernant ce hadith car certaines personnes s'obstinent à suivre l'avis d'Ibn Hazm, rahimahullah, et l'utilisent comme argument pour permettre les instruments de musique. Cependant, les hadiths soulignant leur interdiction, la punition à l'égard de la communauté si les distractions illicites apparaissent et que les péchés sont commis sont bien authentiques.